Il fait doux et bon. Partout autour de moi, des collines douces, des rondeurs brunes et ombres. Un endroit sur la terre magnifique. Là-bas, dans la nuit, une maison qui s'arrondit sur le haut d'une colline. Comme le téton d'un saint en attente. J'imagine que ma main pourrait englober toute cette masse de terre comme de la chair qui roule dans le creux d'une pomme. Les sentières, tout ce qui se dresse vers l'envie de plus fort. C'est ça mon rêve. Depuis le début, je le connais, mais parce que je sais que je ne veux plus jamais rien de pareil. Une maison d'amoureuse pour accueillir nos instants de nourrice. C'est fabuleux. Quand on est deux, c'est de nous qu'il s'agit. Comme deux amants du monde entier qui se mélangent dans un magma coloré. Que ça dure longtemps. On imagine qu'il ne compte plus les heures. Ça dure longtemps. Que plus rien n'a d'importance. Que on imagine que c'est du merveilleux. On imagine qu'on vient d'ouvrir la porte du temps. Mais il nous manque toujours une île pour faire comme sur la terre. Et que nous y arrivons comme ça pour un temps non compté. Alors nous n'aurions plus la volonté de nous dominer, mais seulement de la découvrir et puis hop, de repartir vers là d'où on est venu, pour savoir ne jamais être prisonnier de cette île, pour savoir n'être plus rien, si ce n'est pour l'autre qui me vient à l'esprit.